Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Il y a presque 100 ans allait naître un des plus célèbres acteurs de l'histoire du cinéma français. Avec 2 semaines d'avance sur le calendrier, Franck Ferrand a choisi aujourd'hui de rendre hommage à Louis de Funès. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je suis d'autant plus heureux de célébrer, avec un tout petit peu d'avance, hein, vous venez de le dire, le centenaire de Louis de Funès, que ce grand monsieur de la comédie a littéralement enchanté mon enfance. Je pense que très nombreux sont nos auditeurs dans ce cas. Il suffit d'ailleurs de lire tous les messages qui nous arrivent par voix d'internet et des réseaux sociaux. Vous êtes très enthousiaste dans la perspective de cette émission. Alors, pour évoquer cette carrière inouïe, j'ai convié l'un des biographes de Louis de Funès, Bertrand Dical, qui a écrit un très bel ouvrage sur lequel nous allons revenir et nous appesantir, ainsi que notre monsieur culture sur Europe 1, l'ami Thierry Geffrotin. Et à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question d'Eric posée via Twitter. Eric voudrait connaître les origines de la pétanque. Mais pourquoi pas? Rappelez-vous comment le maréchal des logis chef Cruchot à Saint-Tropez en 1964 essayait d'impressionner à la pétanque son cher adjudant Gerbert. Ça y est, on y est déjà. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous aimons tous Louis de Funès, écrit Bertrand Dical dans sa biographie Louis de Funès, grimace et gloire. Il appartient à notre jeunesse, à notre enfance, à la part légère de notre vie. Il nous fait rire comme il nous a toujours fait rire et comme il continuera à nous faire rire. Nous le partageons dans la même innocence assumée avec nos enfants ou avec nos aînés. Nous l'aimons comme une évidence sereine, avec la même reconnaissante affection que nous portons au marché du dimanche, à la confiture de mûres et aux rues pavées, manifestation tranquille de l'identité française que l'on s'étonne toujours de découvrir universelle. Ludovic Cruchot, gendarme bien français de Saint-Tropez, est sans peine devenu une icône universelle et nous avons tous été surpris du temps du collège que notre correspondante allemande le connaisse ou de voir son visage sur une jaquette de DVD pirate sur un marché moscovite ou hongkongais. C'est vrai que la carrière de Louis de Funès est tout à fait extraordinaire. Il est sans doute une des vedettes françaises, sinon même peut-être la vedette française la plus connue dans le monde. Et pourtant, on le sait, cette carrière a commencé tard et même très tard. Louis de Funès a rencontré le succès à 50 ans, bon poids. Quand j'étais encore inconnu, dira-t-il, j'essayais de colorier par des détails, des mimiques, les petits rôles qu'on me confiait. J'ai acquis un certain bagage comique sans lequel je ne pourrais pas faire la carrière que je mène. Et oui, c'est cette longue, lente, c'est cette interminable maturation qui a permis à Louis de Funès de réunir cette espèce d'incroyable palette de visages, de mimiques, d'expressions qui vont faire sa célébrité. Il était donc né, il y aura bientôt 100 ans, le 31 juillet 1914. Il était né à Courbevoie, mais de parents espagnols. Son père était Carlos Luis de Funes de Galarza et sa mère, Leonor Sotoy Reguera, donc des origines tout à fait espagnoles. Une petite mésalliance, d'ailleurs, on peut dire au départ. C'est vrai que le père a fait des études de droit, qu'il est même avocat, mais c'est pas un avocat de grand renom, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors que sa mère est d'une lignée nettement plus brillante, et d'ailleurs la famille a refusé pendant longtemps qu'elle épouse son fameux Carlos. Elle est jolie et elle a un caractère bien trempé, écrit Jean-Marc Loubier. Léonore semble si déterminée et si éprise que ce n'est pas la menace de l'enfermer dans un couvent qui pourrait l'arrêter. Elle aime à ce point son Carlos qu'un jour, elle fait le mur. Léonore Sotoreguera saute dans les bras de son Hidalgo et disparaît suffisamment de temps pour faire plier la volonté paternelle et finir par l'épouser en 1904. Alors, elle a quand même une dot confortable, cette Léonore. Les voilà donc qui s'installent dans une très jolie maison, dans un hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine, en France. Le père s'improvise diamantaire, ou plutôt négociant en diamant. On va y venir tout à l'heure, on en dira un mot. Il se trouve qu'un faux client va lui voler sa marchandise. La dot de Léonore est engloutie, nous dit Guillemette Audicino. Le généreux beau-père madrilène meurt d'une attaque en apprenant la nouvelle. Il y a quelque chose quand même de très belle époque, je trouve, dans ces tout débuts de la famille de Louis de Funès. À l'époque, il n'est même pas encore né, lui, bien entendu. Alors, elle va devenir, à ce moment-là, elle va devenir intermédiaire pour des vendeurs de fourrures. Louis de Funès est le troisième enfant du couple, après Marie, qui était surnommée Mimi, et Charles, qu'on surnomme Coco dans la famille. Louis a un surnom dans la famille. Je vous ai dit tout à l'heure que dans le métier, on l'appelait Fufu, mais quand il était tout jeune, on l'appelait Bibi. Alors, la mère est un personnage extraordinaire. Il a dit souvent, Louis de Funès, qu'il s'était beaucoup inspiré d'elle et qu'une partie non négligeable des mimiques, des grimaces qu'on lui connaît était directement inspirée des colères homériques de cette mère assez stricte. Elle les élève dans cette éducation de la bonne noblesse espagnole. Vraiment, vraiment assez dure. Ma mère, disait Louis de Funès, c'était Rému. C'est vrai qu'il devait y avoir comme ça un côté un peu soupeau et volontiers emporté. Il y avait une vraie faconde chez cette femme, incontestablement. Il la taquine, Louis, d'ailleurs. Il lui arrive de faire assez de bêtises pour qu'elle se mette à lui courir autour de la table, à lui courir après, et elle crie « Yévé t'es toué !» Alors elle lui transmet aussi, et c'est important, l'amour de la musique. C'est elle qui va au départ lui enseigner le piano dès l'âge de 5 ans, d'une manière qui d'ailleurs n'était pas très académique, il faut bien le dire. Et encore une fois, elle va, sinon lui enseigner, du moins lui donner un véritable modèle de comédie et de théâtre. On ne peut pas dire que Louis aime beaucoup l'école. C'est un élève assez moyen. Il n'est pas mauvais en récitation, évidemment. Il est bon et même très bon en dessin. Il adore le dessin. Il va rejoindre son frère en pension au collège Jules Ferry de Coulommiers à l'âge de 10 ans. Ça n'est pas une époque très, très heureuse pour lui. Bibi pleure car il trouve le temps long, nous dit un biographe, très long même. 4 uniques sorties par an à Noël, à Pâques, à la Pentecôte et aux grandes vacances. Je pense que parmi nos auditeurs, certains se rappellent ce régime un peu dur de certains pensionnats et des internats du début, enfin on va dire même de toute la première moitié du XXe siècle. C'était comme ça, d'une certaine manière. Alors, à partir de ce moment-là, va se développer le caractère de fantasque de Louis de Funès qui, en toutes circonstances, a compris que faire le pitre peut, d'une certaine manière, infléchir le sort. Ah, papa, c'était un artiste, dit-il à propos de son père, qui avait le même genre de caractère. Il était calme, discret, on ne l'entendait pas, il était d'une politesse exquise, il avait beaucoup d'humour, mais le quotidien ne l'intéressait pas. Et puis, il passait le plus clair de son temps au café. C'était un homme du Sud. C'est assez étrange parce que Louis de Funès est très exactement le produit de ces deux tempéraments, de ces deux caractères, de ces deux manières d'envisager la vie. Des grandeurs, Michel Polnareff sur Europe 1. Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale consacrée à la vie de Louis de Funès, Franck Ferrand. Vous savez, Patrick de Funès, on entend de temps en temps et on voit dans les documentaires consacrés aux comédiens ses deux fils, hein, Patrick et Olivier de Funès, qui lui-même a commencé une carrière de comédien d'ailleurs. Et Patrick de Funès affirme que son père n'aimait pas son propre père, donc son grand-père à lui. Il faut dire la vérité aujourd'hui, il n'aimait pas son père, dit-il. C'est vrai qu'en fait, ce père n'a pas été un cadeau hein, pour sa famille. Il s'était lancé dans un trafic de pierres précieuses, fabriquait des émeraudes de synthèse à une époque. Le problème, c'est qu'il était daltonien et que toutes les émeraudes sortaient plutôt jaunes que vertes. Vous voyez, donc ça faisait plutôt des topazes, probablement. Et puis un jour, il disparaît, on retrouve ses chaussures et son chapeau près d'un canal avec une lettre d'adieu dans laquelle il explique préférer la mort au déshonneur. Donc, quand même une enfance marquée par des points très sombres, c'est fondamental. En fait, Louis de Funès n'est pas très marqué, sauf que quelques années plus tard, la mère de Louis, Léonore, découvre, apprend que son mari n'est pas mort du tout. Qu'en vérité, il est vivant, qu'il vit au Venezuela, qu'il a quitté la France dans l'espoir de découvrir en Amérique du Sud des pierres précieuses qu'il pourrait exporter et commercialiser. Elle décide de le ramener, elle part le chercher et Carlos revient, mais il revient malade, méconnaissable, décharné, presque tremblant et toussant. Louis est furieux de cette affaire, on peut l'imaginer bien entendu. Il refuse d'embrasser son père quand il rentre, alors semble-t-il plutôt de peur d'être contaminé, parce que son père était visiblement très très malade. En 1932, Carlos ira s'installer à Malaga tout seul, et c'est là qu'il mourra en mai 1934. Alors, Louis de Funès, nous l'avons quitté à la pension, etc. Je vous ai dit qu'il ne va pas faire de grandes études, il n'a pas de diplôme, il a juste son certificat d'études primaires. Il va faire toutes sortes de petits boulots, il adore les livres, il rêve de devenir libraire. Et d'ailleurs, c'est assez extraordinaire parce que ces livres vont, en quelque sorte chez lui, remplir la fonction que remplit généralement l'éducation ou les études. C'est-à-dire que c'est dans les livres que cet autodidacte va se raffiner, va se peaufiner d'une certaine manière. Il a raconté, Louis de Funès, ses tout premiers métiers, l'époque des vaches maigres. Il l'a raconté dans une interview avec Bourvil. On était là en décembre 1966, c'était au lendemain du tournage, enfin de la première de La Grande Vadrouille. Ils étaient tous les deux dans un studio, hein. Ils étaient au studio de Saint-Maur. Ils s'interviewaient mutuellement sur l'antenne d'Europe 1. Et voilà ce que Louis de Funès raconte à Bourvil à propos de ses tout débuts professionnels. Qu'est-ce que tu faisais ? Oh, j'en ai fait beaucoup. J'ai été pianiste. J'en ai fait un... Ah, tu as été pianiste ? J'étais comptable. Ah bon ? J'ai fait des erreurs. Des erreurs. Comptable. Je suis resté un mois, voilà. Ah, pas expert. Ah non, pas expert du tout. Moi, j'ai commencé le travail de comptable en étant classeur du courrier. Alors, ah oui. Les F avec les F. Ah oui. Très intéressant. Et je me souviens que le chef de bureau un jour m'a demandé « Dites-moi, Funès, venez me voir, apportez-moi la lettre de M. Duchemurt, je ne sais pas. » J'ai été dans les dés, je l'ai trouvé. Et c'était en plein mois d'août, vers le 25 août, par là, c'était sous une verrière à son bureau. Oui. Et je me suis endormi à côté de lui, j'ai dû dormir, mais un profond sommeil. Et là, ils m'ont foutu à la porte après. Ah bon ? Ah oui. Alors, Louis de Funès va faire, vous avez compris, toutes sortes de petits métiers. Notamment, il était étalagiste chez Uniprix et c'est là qu'il va faire la rencontre de Germaine, qui, elle, est vendeuse au rayon des disques. En fait, c'est elle, semble-t-il, qui a remarqué le jeune homme. Elle a 20 ans, Germaine, elle est parisienne, du quartier de Ménilmontant. Il faut imaginer une brune sportive, d'ailleurs très bonne joueuse de tennis. Et ils vont commencer à sortir ensemble. Ils font des promenades à bicyclette sur les bords de la Marne, à Nogent-sur-Marne. Il va finir par la demander en mariage, malgré le désaccord de sa propre mère. Décidément, c'est une tradition familiale. Léonore n'aime pas du tout Germaine. Il l'a épousée pour échapper à sa mère, dit Patrick de Funès. Mon père n'en pouvait plus de vivre chez elle, il avait besoin d'air. Ma grand-mère Léonore était un vrai dragon. Le mariage a lieu à Saint-Étienne où ils se sont installés. Ils travaillent donc chez Uniprix. Ensuite, ils vont s'installer dans les Ardennes, les voilà qui déménagent à Charleville. C'est là que naît Daniel de Funès, dont on aura l'occasion de reparler tout à l'heure. Et puis, la petite famille revient donc en région parisienne, à Courbevoie. Et assez vite, Louis de Funès va déserter le domicile conjugal. Aline, la mère de Germaine, nous dit un des biographes, Jean-Marc Loubier, ne cesse de les déranger. Elle se montre particulièrement envahissante, ce qui agace Louis. Au commencement, il se montre conciliant, puis il finit par en avoir plus qu'assez. Alors, il va prétexter une obligation militaire, alors qu'en vérité, il est réformé. Germaine part s'installer à Clermont-Ferrand. C'est la fin de cette relation sur laquelle il faudra qu'on revienne tout à l'heure, parce que c'est une histoire, somme toute, assez nébuleuse dans la jeunesse de Louis de Funès. Alors, arrive donc la guerre. Louis de Funès est réformé. Alors, il est réformé, mais il est réformé pour une raison assez inattendue, hein, puisqu'on s'est trompé de dossier, en fait. Il est réformé pour un problème pulmonaire, mais en vérité, ce n'était pas lui qui avait la tuberculose. Son frère, en revanche, est appelé et il tombera au champ d'honneur. Hein, il tombera contre les Allemands lors d'un combat à l'entrée de Soles-Rethel le 30 mai 1940, donc juste au moment de la grande offensive allemande. Louis, à ce moment-là, redevenu célibataire, retourne vivre chez sa mère. Il reprend un poste d'étalagiste. Il tente de devenir pianiste de bar. Il trouve une place dans un bar, nous raconte dans son ouvrage Louis de Funès, Grimace et Gloire, Bertrand Dical. Il trouve une place de pianiste, ça ne paie pas très bien, même en restant 12 heures au piano. Ce sont les années de nouilles grises, comme de Funès les appellera plus tard. Dans un pays en proie aux privations, il compte parmi les Français qui souffrent de la faim et ressentent d'autant plus vivement les inégalités entre nantis et fauchés. Il en fera une part de sa comédie humaine, racontant plus tard de très noires scènes comiques, comme celle de son patron de boîte qui insiste pour partager son dîner avec son pianiste à la pause, une boîte de sardines, un morceau de pain dur, un verre de vin clair, solidarité du temps de guerre, croit-il. Jusqu'à ce qu'un soir, il arrive en avance et découvre que le patron dîne copieusement en début de soirée avec ses autres employés sans qu'il manque rien sur la table. On a du mal à imaginer toute la somme des vexations, des duretés, des contrariétés qu'aura pu accumuler cet homme-là avant de tout transcender et de tout transformer en éclat de rire. Cher. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et aujourd'hui, Franck, vous nous faites découvrir ou redécouvrir la vie et la carrière de Louis de Funès. Alors donc, pendant l'occupation, on voit Louis de Funès faire toutes sortes d'établissements où il joue comme ça du piano pendant des nuits entières, à la Scott rue de Berry, au Gavarni rue Chaptal. Voilà ce qu'il racontait à Christian Barbier sur l'antenne d'Europe 1 à propos de cette période où il était d'abord essentiellement pianiste. Parce que ça, il y a peu de gens qui le savent. En fait, au départ, vous étiez un musicien, un pianiste. Vous aimiez oui, bien oui, le piano. Oui, j'étais très plafonné parce que j'avais pas assez d'études. Rien. Ça m'a permis de subsister quand je faisais du théâtre. Vous vous souvenez de vos premières airs de piano, Louis de Funès? Premières airs de piano? Oui, que vous jouiez. Ah, mais j'ai joué tout depuis l'âge de 4 ans, mais je jouais sur un doigt les morceaux que j'entendais. Puis alors, les patrons de bar chez qui je jouais m'ont dégoûté du piano à tout jamais, alors là. Pourquoi? Oh là là là là, je faisais 12 heures de piano. 12 heures. C'est long, 12 heures, vous savez. Toute la nuit, en somme. Toute la nuit, 12 heures et défense de faire pipi. Pourquoi si je m'arrêtais, parce qu'on n'arrête pas. Et quand je jouais du piano, des fois, je m'arrêtais, mais je voyais apparaître le gars par une porte. Je sentais qu'il je regardais, paf, il était derrière. Il faisait... Alors... Mais un arrêt, c'était magique, il réapparaissait. J'ai l'impression qu'il allait apparaître dans le verre ou dans une soupière, le gars. Louis de Funès en 1969 dans l'émission Barbier de nuit, donc au micro de Christian Barbier. Vous avez entendu dans les lointains, si je puis dire, la voix de Claude Jansac, hein, qu'on entend, qui intervient de façon tout à fait furtive. Alors, Louis de Funès, en même temps, tout en donnant des soirées comme ça, tout en jouant du piano pour les clients de tous ces bars, donne aussi des cours. Et en 1983, il va prendre des cours chez Charles-Henri, rue du Faubourg Poissonnière. Il a décidé à l'époque de devenir comédien, hein. On va venir sur cette vocation qui n'est pas une véritable vocation d'ailleurs, il y vient comme ça plus ou moins, et il va tomber sous le charme de la secrétaire de Charles-Henri qui s'appelle Jeanne, et il se passe quelque chose entre eux, objectivement. Vous savez, dira-t-il à la journaliste Laurence Mazurel, ce qui se passe entre deux personnes est moins simple que cela. Alors qui est-elle, cette Jeanne? Elle est orpheline de père et de mère, puisque son père a été fauché par un obus à Verdun et sa mère est décédée de la grippe espagnole juste après cette grande guerre. Elle appartient à la famille de Guy de Maupassant, et d'ailleurs sa tante Marie est mariée au comte de Maupassant. Louis de Funès rencontre la famille au château de Clermont, près de Nantes. On peut dire qu'il est adopté et assez vite, il est question de mariage. Sauf qu'il y a là un problème, puisque pour l'instant, Louis de Funès n'a pas divorcé de Germaine, bien entendu. Et ça, Jeanne le prend très mal. C'est d'ailleurs le sujet de leur première dispute. Finalement, Germaine, il va falloir que ce soit la sœur de Louis de Funès, hein, qui s'entremette en quelque sorte. C'est elle qui va voir Germaine. Elle-même vient de divorcer, elle sait comment s'y prendre, donc elle doit savoir trouver les mots pour convaincre sa belle-sœur, qui va donc accepter le divorce, à condition que Louis ne s'occupe jamais plus de Daniel. Le mariage a lieu le 20 avril 1943. Le couple va bientôt emménager rue de Miroménil et dans la foulée naîtront donc Patrick en 1944 et Olivier en 1949. La vie de Louis de Funès à l'époque, eh bien, elle se résume toujours à ces histoires de piano-bar. Hein. La nuit, il joue dans les bars. La journée, il dort essentiellement. Néanmoins, il trouve le temps de s'occuper de ses enfants. Il est très paternel, il est très famille en quelque sorte. Et il va faire bientôt ses débuts, ses tout débuts au cinéma grâce à Daniel Gélin, que Louis de Funès appelait « Ma chance ». La première apparition de Louis de Funès, c'est dans « La tentation de Barbizon » de Jean Stély. C'était en 1945. On était là dans un cinéma vraiment vraiment pas très brillant. Si certains esthètes du cinéma défendent avec ferveur la série Z, dit notre invité, ses créatures horrifiques, miteuses et ses trucages pathétiques, il manque encore un poète du dérisoire pour célébrer le cinéma pitoyable qui transposait à l'écran le pire répertoire de boulevard, ses scénarios bancals et ses personnages stéréotypés, cinéma dont quelques témoignages ne doivent d'être préservés que grâce à la présence d'un Louis de Funès ou d'une autre future vedette faisant ses premiers pas devant la caméra. Absent des salles d'exclusivité, ces films réservés au circuit des salles de quartier appartiennent principalement au cinéma de genre, alors effectivement avec des budgets infimes, une réalisation souvent médiocre et des décors à la fois exigus et pauvres. C'est dans ce contexte-là, que Louis de Funès va faire ses tout premiers pas au cinéma. Il est encore loin, très loin, d'épouser la grande carrière que nous connaissons. Bonjour messieurs, bonjour Bertrand Dical, bonjour Thierry Geffrotin. Avec vous, nous allons essayer, après avoir vu quelles étaient les origines de Louis de Funès, nous allons essayer de comprendre comment il a accédé au tout premier plan, tout en haut de l'affiche. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Georges Auric, la grande vadrouille à l'instant sur Europe 1, au cœur de l'histoire consacrée à Louis de Funès, son parcours, sa carrière, avec aujourd'hui Franck Ferrand comme invité, Bertrand Dical, journaliste et auteur de Louis de Funès, Grimace et Gloire chez Grasset, paru en 2009, et Thierry Geffrotin, journaliste et monsieur culture à Europe 1. J'ai dit Bertrand Dical qu'il était que Louis de Funès ne savait pas vraiment s'il allait se mêler de comédie. Au départ, ça n'est pas une véritable vocation. En fait, ça vient un petit peu comme ça. Il a même pas de vocation, c'est-à-dire que quand il est jeune, quand il ne sait pas encore ce qu'il va faire, quand il a une petite vingtaine d'années, il est même stagiaire sur un film. Il déteste ça. Il déteste le réalisateur, il déteste les figurants, il déteste tout. Le cinéma, c'est comme le théâtre, c'est comme le piano, c'est pour gagner sa vie. C'est vraiment la vraie motivation de Funès. Il s'est fait mettre dehors du monde du travail à coups de pied aux fesses et il cherche donc le piano, il en a marre, il en peut plus des boîtes de nuit, il a un enfant, il veut pas être le même père que son père, il veut vraiment élever son enfant dignement, donc il cherche un métier. Et il y a ses copains, Daniel Gélin notamment, qui lui disent, bah écoute, viens faire du cinéma, c'est bien payé, tu fais une journée, en une journée au cinéma tu gagnes autant qu'en une semaine en faisant du piano. De Funès, là, soudain, il a une vocation. Une vraie vocation dès ses premiers films en 47. Il veut devenir quelqu'un d'important dans le cinéma, mais un second rôle. Il veut devenir Saturnin Fabre, il veut devenir Carette. C'est ça. Il veut devenir Noël Roquevert qu'il va rencontrer dans un des premiers films dans lesquels il joue. Il veut être un second rôle. Il veut être ces gens indispensables au cinéma français de l'époque qu'on appelle tout le temps, qui ont tout le temps du travail, qui font 8, 10, 15, 20 films dans l'année. En fait, pour ceux de nos auditeurs qui sont plus jeunes, qui ne connaîtraient pas évidemment Saturnin Fabre ou Noël Roquevert, il faut dire que c'était, comme vous dites, des comédiens qu'on voyait, que le public connaissait, qu'il appréciait, qu'il retrouvait presque avec une certaine connivence d'un film à l'autre et qui jouait toujours le deuxième ou le troisième rôle qui faisait partie du paysage autour de la vedette ou des vedettes principales. En fait, lui, c'est ça qu'il ambitionne, c'est de devenir un second rôle. En fait, il veut devenir un second rôle parce que le second rôle ne pose aucun problème. problème au réalisateur. Quand un réalisateur appelle Carrette, que Carrette joue un menuisier, un concierge, un plombier, un militaire, il va toujours jouer pareil, il va jouer la même chose, et le réalisateur n'a aucun souci. Il va lui laisser les clés. Donc il sait qu'il aura une petite scène, son second rôle va jouer la scène, et il n'y a aucun problème. Et c'est ce que veut être De Funès. Et pendant 15 ans, De Funès va faire ça. Il va être le meilleur second rôle du cinéma français. C'est ça son ambition, être indispensable à un réalisateur. Et vous, vous avez traqué en quelque sorte ces différentes apparitions. Votre livre est d'une très grande précision, d'une grande minutie. Il est d'ailleurs peuplé littéralement d'extraits de presse, de détails, d'archives en quelque sorte. Et vous nous montrez un Louis de Funès assez différent de ce qu'on imaginait, qui n'est pas tout à fait inconnu pour autant. Parce que justement, grâce à cette présence récurrente dans des rôles d'importance secondaire, le public finit par se familiariser. Surtout qu'il fait toujours une petite chose en plus, en fait. C'est ça son génie. C'est comme tous les vrais grands second rôles, ceux que j'ai cités, Carrette, Fabre, Roquevert. C'est-à-dire que quand on lui dit « ouvre une porte », il va faire un petit truc en plus. Il va trébucher, il va faire une petite mimique, il va mettre la main sur la poignée, enlever la main, remettre la main. Donc le réalisateur peut dire « j'achète ». Et il peut dire « ah oui, tiens, ça c'est rigolo, on le garde ». Et donc c'est intéressant pour les professionnels du métier qui vont voir que ce second rôle, cette toute petite chose, ouvrir une porte, monter un escalier, traverser la cour, ce type a rajouté un petit quelque chose qui a fait sourire le public et puis qui a provoqué un petit rire qui n'était pas écrit au scénario. Et c'est cette ambition-là qu'a Louis de Funès. Et de Funès, quand il devient une star à 50 ans, en 64-65, il est connu de tous les Français. Mais faites juste un test. Hein. Si je vous parle de Dominique Zardy, vous savez pas qui est Dominique Zardy. Vous tapez Dominique Zardy sur Internet, vous voyez son visage, vous dites « ah ben oui, évidemment, bien sûr. Je l'ai vu dans 500 films ». Eh oui. Et ben de Funès, c'est ça. C'est quelqu'un, quand il devient star, tous les Français l'ont vu dans des films. Avec cet effet, Thierry Geffrotin, qu'on pourrait appeler en histoire téléologique, qui fait que maintenant qu'il est devenu cette espèce de superstar incroyable, lorsqu'on le voit même dans un rôle tout à fait mineur dans un film oublié, d'un seul coup, on a l'impression qu'il n'y a plus que lui à l'écran, évidemment. Ah oui, oui, absolument. Moi, j'ai revu il y a très peu de temps Courte Tête, voilà, avec Jean Richard, qui a quand même la vedette. il fait le gars qu'on va plumer. Et alors, De Funès a plusieurs rôles. C'est un petit escroc. Alors, on le voit en général, on le voit en curé. Et en effet, alors, non pas qu'on ne voit plus Jean Richard, mais on regarde De Funès et on traque un peu les mimiques, la manière dont il se comporte dans la scène pour se dire, il est déjà là. Alors, c'est un film qui date de 1954 de tête. Oui. Et donc, on dit 10 ans avant Le Gendarme, on se dit, mais oui, il est déjà là, le De Funès que nous aimons et que nous connaissons. La star est déjà là. Mais voilà, il est encore c'est pas tout à fait même un second rôle. C'est pas tout à fait un second rôle. Et d'ailleurs, dans Courte Tête de Norbert Carbonneau, que j'encourage tout le monde à voir, oh, c'est un film extraordinaire. Ah oui. C'est un scénario extraordinaire et un dialogue extraordinaire d'Audiard. De Funès, second rôle, est remarqué par deux critiques dans deux revues de cinéma. Mais quand même, c'est quand même. Deux critiques, c'est Godard et Truffaut. À l'époque où Godard et Truffaut sont tous les deux critiques de cinéma. Et l'œil de Godard et l'œil de Truffaut se posent sur ce second rôle-là. Ils ne s'y sont pas trompés. Alors il y a de très grands noms qui vont repérer eux aussi Louis de Funès. On a parlé de Daniel Gélin, il faudrait citer Michel Simon bien entendu. Il va jouer avec Gérard Houry, il va jouer pour le maître, pour Sacha Guitry en personne. Donc ça va être un moment important bien entendu. Et puis arrivera la consécration, si je puis dire, avec Claude Autant-Lara. Et là on a l'impression d'un certain basculement d'une certaine manière. Bertrand Dical. Dans La Traversée de Paris, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Parce que aujourd'hui, quand on achète le DVD, quand le film ressort dans les festivals, on voit une affiche avec Gabin, Bourville, De Funès. En fait, De Funès, il est peut-être 6 minutes dans le film. C'est vraiment un duo, un duel dans ce film entre Bourville et Gabin. Mais si on réfléchit bien, on réalise que dans la carrière de Gabin, il y a peut-être 2 scènes, 3 scènes qui sont aussi intenses et aussi délirantes que la scène de Jambier rue Poliveau. Et pourquoi Gabin joue aussi bien? Et pourquoi Gabin monte autant dans les tours? C'est parce qu'en face de lui, il a De Funès. Il a De Funès qui n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre. C'est-à-dire qu'il fait exactement la même chose que quand il ouvrait une porte et il faisait une petite mimique en plus. Non, non, sauf que là, il monte dans le jeu. Il rajoute des gestes, il rajoute des cris, il rajoute des hurlements. il arrive à crier plus fort que Gabin, ce qui jusqu'à présent sur un plateau de cinéma français n'était jamais pas arrivé. Oui. Hein, pas... Et Gabin est hors de lui, et quand Gabin explose et hurle « Jean-Bien, mais c'est 1000 francs », etc., quand il est dans la démesure, c'est aussi un parce acteur... Parce qu'il est poussé dans ses retranchements. ...qui a quelqu'un qui est en train de le pousser, de le pousser, de le pousser, et c'est aussi le génie de Funès. Et là... Tous les professionnels du cinéma français voient cette scène. Est-ce qu'il est bien sûr, et donc ça va être là un véritable accessite pour Louis de Funès. C'est un accessite, et puis surtout c'est une augmentation des cachets. Mais bien sûr, ce qui va être dommage, c'est que plus tard ces deux monstres sacrés vont se retrouver dans le Tatoué, et que là, en revanche, la mayonnaise ne prend pas d'une certaine manière. La mayonnaise ne prend pas du tout, parce que de Funès et Gabin se sont rencontrés dans plusieurs films avant le Tatoué. Gabin est la plus grande star du cinéma français. Il y a un petit de Funès en bas. Il y a pendant le tournage de la traversée de Paris, Gabin qui dit à De Funès, non, s'il te plaît, n'en fais pas trop. Voilà, avec un peu de condescendance. Mais sauf que Le Tatoué, c'est un film sur lequel le scénario, les producteurs, tout le monde compte sur De Funès. Gabin a vu ce petit second rôle qui était presque un figurant devenir un acteur plus grand que lui en termes de box-office. C'est très très douloureux pour Gabin. Plus le fait que Gabin n'est pas un acteur comique. Gabin, de temps en temps, fait des choses drôles. Il est très drôle, mais oui. Il est très drôle quand il a un dialogue d'Audiard. Mais effectivement, Gabin n'a pas le corps qu'un de Funès. C'est-à-dire que de Funès traverse une caisse, il y a un gag. Forcément, il y a un gag. À un moment ou à un autre, de Funès fait quelque chose, il a dit l'écran. Gabin traverse une pièce, on voit un menhir traverser la pièce, on voit quelque chose de marmoréen qui avance, comme ça. Mais ça n'a rien de comique. Et c'est vrai que c'est un film épouvantablement difficile à tourner pour les deux acteurs et pour le réalisateur Denis de la Patelière. Louis de Funès, Grimace et Gloire, c'est le titre de la très belle biographie très fouillée et très fine que vous lui consacrez, Bertrand Dical, c'est aux éditions Grasset. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Aujourd'hui, vous recevez Bertrand Dical, journaliste, auteur de Louis de Funès, Grimace et Gloire chez Grasset, et Thierry Geffrotin, journaliste à Europe 1, pour évoquer la carrière et le parcours de Louis de Funès. Alors, qui a reconnu cette bande originale ? Pouic Pouic, c'était 1963. On est là à l'extrême fin d'une première carrière ou au tout début d'une deuxième, je ne sais pas, un peu entre les deux. C'est vraiment le pli, c'est vraiment le moment. C'est un des premiers films dans lesquels De Funès est premier rôle, mais il n'y a quasiment pas de budget. C'est un film tourné en 5 semaines, dont le tournage commence entre Noël et le jour de l'an. Mais il faut dire que Pouic Pouic, à l'origine, c'est une pièce de théâtre qui s'appelle Sans cérémonie. Il y avait un critique qui avait écrit à l'époque, Sans cérémonie, sans fleurs, ni couronne, qui avait été un four épouvantable dans lequel De Funès jouait un obscur second rôle qui était une pièce de Jean Giraud et Jacques Wilfried. Et quand, après plusieurs succès, le film est de Jean Giraud, et Jean Giraud n'arrive pas à convaincre les producteurs que vraiment De Funès il peut tourner un vrai film comique, que ça va être bien, et c'est pour ça qu'on lui dit en gros, faites-le, mais vous n'avez pas beaucoup de budget. Prenez quelques autres ringards. Et ça lance aussi la carrière au cinéma de Jacqueline Maillan. Jacqueline Maillan, avec, évidemment, qui promène son poulet en laisse. Ça, personne n'a oublié ça. On est à la veille de la grande année, si je puis dire. Hein, vous l'avez dit tout à l'heure, Bertrand Dical. C'est en 1964, c'est-à-dire très tard. Encore une fois, il a commencé en 44-45. C'est en 64, il a 50 ans, évidemment, que Louis de Funès va exploser. Alors là, avec Fantomas, Le Corneau, Le Gendarme à Saint-Tropez. N'en jetez plus. On se dit, il tourne ses 3 films en 4 mois. C'est un truc dans l'histoire du cinéma, j'ai pas trouvé quelque chose de comparable. Quelqu'un qui tourne 3 films aussi énormes, aussi déterminants, hein, non, et qui vont tous les 3 être d'énormes succès de box-office au prix de publics un petit peu différents. C'est ça, voilà. Et il y en a pour tous les goûts, d'une certaine manière. Il y en a pour tous les goûts. Chaque film a un peu son histoire. Et puis, il y a un hold-up extraordinaire qui est Fantomas. De Funès est un second rôle. Il doit jouer le comparse de Jean Marais. Le héros, c'est le jeune premier, c'est Jean Marais. C'est l'aventurier, une espèce de James Bond français. et De Funès lui pique le film, De Funès lui vole le film. Et complètement, il se l'approprie en quelque sorte. Alors que ce soit le maréchal des logis chef Cruchot, que ce soit Victor Pivert, que ce soit dans le Cornio, comment s'appelle-t-il enfin bon, tout Sarroyant. Bon, Sarroyant, voilà, Sarroyant. Monsieur Sarroyant. Tous ces rôles sont en quelque sorte l'archétype du petit français vindicatif, rampant devant les puissants, très mauvais avec les petits, etc. Ça devient en quelque sorte une des grandes figures du panthéon national, Thierry Geffrotin. Oui, parce que je pense qu'à l'époque et aujourd'hui encore, on reconnaît forcément quelqu'un dans son milieu professionnel ou lors de rencontres qui ressemble à Louis de Funès. C'est sinon Monsieur Tout-le-Monde, en quelqu'un, en tout cas quelqu'un que l'on peut côtoyer, ce que vous disiez, savoir veule, hypocrite, fourbe, enfin on a tous les adjectifs, à la fois colérique, obséquieux, à la fois cassant et onctueux. Et ça lui va très très bien, parce que déjà comme il est assez petit, il fait moins d'un mètre 65, donc voilà, quand il se plie, il est encore plus petit. Et puis on voit par exemple dans Joe, quand il est assis sur le canapé et que d'un seul coup il devient très grand, il fait plus d'un mètre 65 là. Donc suivant les circonstances, il peut être vraiment différent. Voilà ce qu'à ce propos-là, Louis de Funès disait lui-même. Les personnages importants, j'ai voulu faire un film dans le temps, j'ai pas le talent de l'écrire, qui s'appelait le personnage important, un monsieur très important. Oui. Pourquoi il y a des gens qui se croient très importants? Mais voilà, c'est ça. Et pourquoi vous ne les aimez pas, ou bien pourquoi vous essayez tout le temps de leur donner quelques petits coups derrière la tête? Parce dans le temps, quand j'étais jeune, ils m'ont vraiment beaucoup déçu, beaucoup embêté, beaucoup ennuyé par ce sérieux. Je ne sais pas. Embêté de quelle façon? Parce que vous avez l'impression qu'ils vous ont mis à l'époque des bâtons dans les roues, ou bien pas des bâtons dans les roues. De se comporter, ou leur façon d'agir, de se présenter. Leur façon de se présenter, d'agir, de parler, de me foutre à la porte, de ne pas me recevoir, de ne pas me répondre. C'était des gens très importants. Et moi, je me rappelle un directeur. Il y avait un directeur de magasin à prix unique, un super directeur de super magasin à prix unique. Il m'a reçu dans son bureau, mais on ne pouvait pas le voir. C'était un monsieur qu'on ne voyait pas. Moi, il m'a reçu, je ne suis pas entre deux. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Et son bureau lui arrivait sous le nez. Ça, c'était... Mais vous comprenez, ça c'est... Je voyais déjà le ridicule. Oui, et c'est ça que vous reprenez finalement. Le ridicule de personnes qui se... Je ne sais pas, il y avait un jour, comment ça s'appelle, un grand producteur m'a reçu et il faisait trembler tout le monde. Et il me parle, vous comprenez, vous n'êtes pas un ténor. Et puis il se retourne et il avait son support chaussette pris, vous savez, dans la... Donc enlever toute autorité était parti. Vous voyez. Non, ce qui prouve que l'autorité, ça ne tient pas debout. Non, c'est au théâtre. C'est au théâtre. Alors au théâtre, si vous avez un bout de fil blanc là, sur la veste, c'est terminé, votre rôle est fini. On ne regarde que ça. Au théâtre, c'est vrai. Ah oui, t'as pas mal. Parce qu'un homme qui fait... Non, mais je trouve qu'on fait autorité. On fait autorité par le talent, par la gentillesse, par la bonté, par mille choses. On peut faire autorité. Là, vous pouvez avoir une super chaussette, on ne vous en voudra pas. Mais ce monsieur, il se prend très au sérieux. Pourquoi, mon Dieu? C'est assez intéressant de constater la très grande acuité du regard de Louis de Funès, ce sens aigu du ridicule. Et en même temps, est-ce que c'est le secret du comique chez cet homme-là? Je pense, quand vous faisiez le récit de sa jeunesse tout à l'heure, c'était le récit de la jeunesse d'un futur terroriste. Une famille détruite, un père totalement absent. Et encore, je suis passé un peu vite, oui, parce que j'avais peur de devenir carrément sinistre. Vous avez sauté des épisodes. Voilà, oui. Une famille complètement déclassée, la ruine. Faut pas oublier que De Funès, pendant des années, s'il se retrouve derrière un piano, c'est que dès qu'il essaie d'avoir un travail normal, tout en bas de l'échelle sociale, il se fait mettre dehors à coups de pied aux fesses, physiquement à coups de pied aux fesses, par des tout petits chefs. Et donc, la colère, la rage, et aussi l'immense compassion qu'a De Funès pour les humains en général, ça devient du comique. Et c'est là qu'on réalise aussi pourquoi nous, aujourd'hui, on continue de voir les films de De Funès, pourquoi on continue de les aimer. Pourquoi on continue d'y trouver quelque chose de si intéressant, si proche, que parfois on n'arrive pas à définir? C'est ça. C'est parce que c'est un extraordinaire miroir. Ouais. Il est en train de nous montrer le pire de ce que nous sommes. C'est-à-dire que si on réfléchit bien à ce type, veule, lâche, méchant, obséquieux, raciste, antisémite, avare, et j'en oublie, il nous est sympathique. Et il nous dit que le mal nous est sympathique. Et que le mal, non seulement... il peut nous être sympathique, il peut nous faire rire, mais aussi que le mal, c'est nous. C'est-à-dire que cet homme qu'on prend en pitié, c'est quelqu'un qui, pendant tous ses films, Les Gendarmes, Oscar, Pouic Pouic, tous ces films-là, il essaie de faire le mal. Il essaie de gruger quelqu'un. Il essaie d'empêcher des gamins de se marier. Il essaie de voler l'argent de quelqu'un. Il essaie de détruire la carrière d'un autre. C'est tout ce qu'il fait dans ses films. Les plus vieux secrets du comique, hein, finalement. Voilà. Et on prend en sympathie cet homme qui est méchant. Et cet homme qui est méchant devient notre frère. C'est le fameux Polichinelle de la Commedia dell'arte qui est le méchant pitoyable. C'est le méchant qu'on prend en pitié. Ce que les anciens appelaient le castigat rigendo mores. Hein, on redresse les torts en les ridiculisant d'une certaine manière. Il y a chez Louis de Funès une autre figure que le public peu à peu a appris à connaître à travers un certain nombre d'émissions de télévision notamment, qui est un monsieur très discret, très comme il faut, un petit peu, enfin on va dire vraiment très très rangé dans sa vie privée, Thierry Geffrotin. Ah oui, alors il tenait à sa famille, il aimait son jardin et pêcher, il aimait sa vie privée et son métier et le public, c'était autre chose. Et il n'avait de cesse que de se cacher. Et quand il est devenu une star, ça lui plaisait pas du tout. Et Jeanne, son épouse, était là d'ailleurs pour repousser ceux qui s'imposaient. Il avait ce côté. D'ailleurs, il disait qu'il n'était pas drôle. À chaque fois qu'on voit un humoriste, on pense qu'on va rire avec lui aux éclats. D'abord, il nous connaît pas. Ensuite, c'est son métier. Et de Funès, c'était quelqu'un pas sombre, mais en tout cas, la rigolade, c'était pas son quotidien. C'était son métier. Et il aimait sa tranquillité. J'ai évoqué ce premier mariage et ce premier enfant. Comment vivait-il cela? Est-ce qu'on sait ça, Bertrand Dical? Il en a très très peu parlé. Je crois même qu'il n'y a aucune interview de son vivant dans laquelle il répond sur son premier mariage et dans laquelle il parle de son premier mariage. Mais il faut pas oublier qu'on a finalement très très très très peu d'interviews de Louis de Funès. Il a très peu parlé, il détestait l'exercice de la promotion et il détestait d'autant plus l'exercice de la promotion que à l'époque les journalistes étaient quand même très très condescendants. Et voilà. Il faut pas oublier une note tenue pendant toute la carrière de Funès, c'est que de Funès est un marchand de soupe, de Funès est un fasciste, de Funès est un laquais du pouvoir, de Funès chaque fois qu'il sort un film, il prend ça dans la figure et ça ne vient pas de la presse gauchiste. On parle de critiques dans Le Monde, dans Le Matin de Paris, dans Nouvelle Obs, dans des journaux qui à l'époque ne sont pas du tout des journaux extrémistes. À telle enseigne, quand il va tourner L'Avare, il dit mais c'est une forme de boutade, c'est pas sérieux. Il dit qu'il pense que Molière a écrit le rôle pour lui, mais il le dit, on voit bien ce que ça veut dire, parce qu'il sent ce rôle. Aussitôt, alors là, il en prend plein la figure. Hein, ouais, on dit mais il se prend pour qui? Enfin voilà. Louis de Funès restera dans la mémoire, dans l'inconscient collectif des Français, il restera associé à un autre très grand comique qui lui justement jouait les gentils, c'est un peu l'autre rôle comique finalement, l'Auguste face au clown blanc, c'était Bourvil bien entendu. Je vous propose toujours dans la même émission de 1966 sur Europe 1, à l'époque on disait Europe numéro 1, je vous propose d'entendre Bourvil et Louis de Funès qui en plus s'essaie à parler anglais. And now, what are you doing with your English now? Because I know that you are learning English. Yes. So do I. Yes, you speak so English too. Yes. Oh, well. Il n'y a pas besoin de traduire, je comprends très bien. C'est marrant hein, qu'on arrive à parler anglais tous les deux. Ça prouve qu'on, ça prouve qu'on est ouvert à toutes les études. Quoi. Ce rire qui était le rire de fin du Cornio aussi bien entendu, Bertrand Dical. Oui, c'est ce rire de Funès, mais c'est magnifique d'entendre cette complicité qu'il y a avec Bourvil, parce que à la fois tout les séparait, le provincial, normand, le gars de la région parisienne, etc., etc. Mais ils avaient tous les deux presque la même histoire. Des familles complètement détruites. André Rimbourg, dit Bourvil, était orphelin. Et tous les deux, ils ont attaqué le spectacle par le bas, par la nécessité de gagner sa vie. Bourvil a commencé sa carrière parce que entre boulanger et jouer dans les music halls, c'était moins fatigant et ça gagnait un tout petit peu plus. Et il y a ce côté chez tous les deux qui est une extrême modestie, une extrême humilité et le refus absolu de vivre sous les projecteurs, des cocktails, les interviews, la promotion, les autographes. Ils détestaient ça autant l'un que l'autre. Louis de Funès, Grimace et Gloire de Bertrand Dical, c'est chez Grasset. Merci beaucoup d'être venu nous en parler avec autant de science. Merci Thierry Geffrotin. Nous avons prouvé une fois de plus qu'à Europe 1, nous n'avions pas ce genre de pudeur ou de préjugés envers telle ou telle partie de la culture. Merci beaucoup. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui. aujourd'hui, c'est une question d'Éric via le Twitter de l'émission. Bonjour, pourriez-vous revenir sur les origines de la pétanque ? La pétanque qui mobilise 400 000 licenciés, figurez-vous, en France. Pétanque, ça veut dire les pieds joints en Occitan, hein, parce que on lance la boule les pieds joints. Alors ça remonte très loin, ça remonte à l'Antiquité. Vous savez que les Égyptiens, les Grecs, les Romains jouaient aux boules déjà, avec des boules qui étaient parfois en pierre, d'autres qui étaient en bois cerclé de fer. Au Moyen-Âge, dès l'an 1000, vous voyez des Français qui affectionnent de plus en plus ce jeu. On pratique à l'époque le jeu avec des boules en bois, en pierre ou en argile. Et il faut attendre la Renaissance, bien entendu, pour que tout ça se raffine, s'aristocratise d'une certaine manière, avec l'invention des boules à grains, hein, ces terrains gazonnés sur lesquels on peut jouer à toutes sortes de jeux de boules beaucoup plus élaborés. En France, il y a toutes sortes de variantes en fonction des régions. Les Provençaux, de leur côté, pratiquent ce qu'on appelle la longue, qui est une version simplifiée, très appréciée par Marcel Pagnol d'ailleurs. Et cette longue fait référence au niveau national jusqu'au début du XXe siècle. On appelle ça la boule lyonnaise. Et c'est en 1907 que va naître alors la pétanque telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec un grand champion provençal, Jules Hugues, qui souffrait de rhumatisme. Il était par conséquent incapable de faire les trois pas nécessaires pour lancer sa boule. C'est lui qui a donc eu l'idée de garder les pieds joints et de lancer la boule de façon immobile. Voilà comment ça s'est fait. Quant à la boule elle-même, la boule de pétanque en acier, elle n'a été inventée qu'en 1927.